Les deux abeilles. Au fond d'une vallée où s'éveillaient les fleurs, on vit légèrement descendre deux abeilles. Elles cherchaient des yeux ces fleurs, tendres merveilles, où l'horreur en passant avait laissé des pleurs. L'herbe brillait, de perles arrosées. L'horizon bleu, les gouttes de rosée. Sur la colline, une ardente clarté. Tout annonçait un jour brûlant d'été. Tout l'attestait, car un jardin rustique répandait alentour des deux errantes sœurs de vrais parfums d'attrayante douceur et d'un souffle embaumé la langueur sympathique. Toutes deux ont franchi l'enclos vert du jardin. « Voyez, dit la plus vive, elle était frêle et blonde. Voyez que de trésors, ce n'est rien que jasmin, lilas, roses, et je crois toutes les fleurs du monde. » Cette folle suivait son volage désir. Au suave bouquet se suspendait à peine, prodiguant ses baisers jusqu'à manquer d'haleine, disant « Demain le miel, aujourd'hui le plaisir. » L'autre, plus posément, savourait les délices du banquet préparé pour les filles de l'air, et prévoyant aux besoins de l'hiver, pour la ruche épuisée en gardait les prémices. Leurs ailes en tremblaient, mais un globe fatal, suspendu dans les fleurs de la méridienne, semble de l'ambroisie offrir le doux régal à la jeune épicurienne. Sous ce cristal frappé de tous les feux du ciel, s'échauffe et fermente le miel. Innocente liqueur pour l'homme préparée, mais qui donne la mort à la mouche dorée. Sa force s'y consume et sa raison s'y perd. L'abîme transparent par malheur est ouvert. L'imprudente n'y voit qu'un don de la fortune. Sa sœur qui l'en détourne est presque une importune. Et malgré ses conseils, elle court s'y plonger. Quand on veut le bonheur, en voit-on le danger ? Par quel charme imposteur vous êtes asservi ? Dit l'autre en soupirant, « Vous me faites pitié. Quittez ce doux breuvage au nom de l'amitié, peut-être, hélas, au nom de votre vie. Vous ne m'écoutez pas, je reviendrai ce soir. Oh, ma sœur, le travail est utile à notre âge. Puis-je ne pas voir bientôt, cher volage, ce que je tremble de prévoir ?» Elle retourne aux fleurs avec inquiétude. Ce beau jour lui paraît plus lent qu'un autre jour. Tout suc lui semble amer et sa sollicitude implore et croit du soir avancer le retour. Enfin, à l'horizon, le soleil va s'éteindre. Elle vole à sa sœur et, tout près de l'atteindre, l'appelle en la grondant d'un ton craintif et doux. « Allons, il se fait tard, me voici, venez-vous ?»« Il n'est plus temps, ma sœur, je suis trop accablée. Je ne puis me sauver de ce lieu. Je vous regarde encore, mais ma vue est troublée. Mon corps brûle et languit, venez me dire adieu. Je ne puis me mouvoir. Un grand feu me dévore. Mes ailes, je le sens, ne peuvent m'emporter. » Voyez comme je suis, mais soyez bonne encore. Si mon crime, il est grand, ne peut se racheter, ne me haïssez pas, je n'étais pas méchante. La volupté trompeuse égarait ma raison. Ce breuvage mortel, dont l'ardeur nous enchante, que je l'aimais, ma sœur, et c'était un poison. Je me repens et je succombe. Sous une fleur creusée ma tombe. Adieu. Pourquoi le ciel créa-t-il le désir, s'il a caché la mort dans le plaisir ? Elle ne parla plus. Ses ailes s'étendirent, ses petits pieds doucement se raidirent, et sa sœur gémissante eut peine à s'envoler. Ce tableau d'un long deuil accabla sa mémoire. Elle fut toujours triste, et jamais, dit l'histoire, même au sein du travail, ne put se consoler.